Deux jours avant la Noël, maître Sylvain se prépara à tuer le porc. Il aiguisa deux grands couteaux, et après avoir fait une litière de paille fraîche au milieu de la cour, il fit sortir le porc qui se mit à crier comme s'il se doutait de la vérité. Il lui passa des cordes aux quatre pieds, et pendant qu'il les fixait à de solides piquets, il dit à sa femme « Cache les couteaux, Pauline, il ne faut pas qu'il les voie. » Pauline me remit une sorte de poêle très profonde que je devais tenir avec adresse afin de ne pas perdre une seule goutte du sang que j'allais recueillir. Le fermier s'approcha du porc qui était tombé sur le flanc. Il mit un genou en terre devant lui et après l'avoir tâté près du cou, il tendit la main vers sa femme qui lui passa le plus grand couteau. Il en appuya la pointe à l'endroit que marquait son doigt et il se mit à l'enfoncer lentement. À ce moment, les cris que poussait le porc ressemblaient à des cris humains. Il sortit de sa blessure une goutte de sang qui coula en une grande traînée rouge. Puis deux jets montèrent le long du couteau et retombèrent sur la main du fermier. Quand le couteau fut enfoncé jusqu'au manche, maître Sylvain pesa dessus pendant un moment et il le retira aussi lentement qu'il l'avait enfoncé. En voyant ressortir la lame toute rayée de rouge, je sentis que ma bouche devenait froide et que je n'avais plus de salive. Mes doigts se desserrèrent aussi et la poêle pencha toute d'un côté. Maître Sylvain le vit. Il leva les yeux sur moi et il cria à sa femme « Prends-lui la poêle !» J'étais incapable de dire une parole, mais je fis signe que non. Le regard si calme du fermier avait chassé mon émotion et ce fut d'une main ferme que je continuai à tenir la poêle sous le jet qui sortait en bouillonnant. Lorsque le porc eut cessé de crier, Eugène s'approcha de nous. Il parut stupéfait de me voir attentive aux dernières gouttes rouges qui roulaient une à une comme des larmes. « Comment ? » dit-il. « C'est toi qui as reçu le sang ?»« Mais oui, » répondit le fermier. « Cela prouve qu'elle n'est pas une poule mouillée comme toi. »« C'est vrai, » dit Eugène en s'adressant à moi. « Cela m'est très pénible de voir égorger les bêtes. » « Bah !» dit maître Sylvain, « les bêtes sont faites pour nous nourrir, comme le bois pour nous chauffer. » Eugène se détournait un peu, comme s'il était honteux de sa faiblesse. Il avait les épaules minces, et son cou était aussi rond que celui de Martine. Maître Sylvain disait qu'il était tout le portrait de leur mère. Jamais je ne l'avais vu se mettre en colère. On l'entendait toujours chantonner d'une voix faible et harmonieuse. Le soir, il rentrait des champs, assis en travers sur un de ses bœufs, et souvent il chantait la même chanson. C'était l'histoire d'un soldat s'en retournant à la guerre, après avoir retrouvé sa fiancée mariée. Il traînait longtemps sur le refrain qui se terminait ainsi. Quand, par un tour de maladresse, un boulet m'emportera, allons, adieu, chère maîtresse, je m'en vais dans les combats. Pauline lui parlait toujours d'un ton respectueux. Elle ne comprenait pas comment je pouvais être aussi libre avec lui. Le premier soir où elle m'avait vue assise à côté de lui sur le banc de la porte, elle m'avait fait signe de rentrer. Mais Eugène m'avait rappelé en disant « Viens écouter la hulotte ». Souvent, nous étions encore sur le banc quand tout le monde était déjà couché. La hulotte venait jusque sur le vieil orme qui était près de la porte. Son ululement très doux semblait nous dire bonsoir. Puis elle s'envolait et ses grandes ailes passaient en silence au-dessus de nous. Plusieurs fois, une voix chanta sur la colline. J'en restais toute frissonnante. Cette voix pleine qui passait dans la nuit me rappelait celle de Colette. Eugène rentrait quand la voix cessait, mais moi je restais dans l'espoir de l'entendre encore. Alors il me disait « Rentre donc, va, c'est fini ». Et maintenant que l'hiver était revenu et que nous ne pouvions plus nous asseoir devant la porte, il restait entre nous comme une communication secrète. Quand il se moquait de quelqu'un, ses yeux pleins de finesse cherchaient les miens, et s'il donnait son avis dans un cas embarrassant, il se tournait de mon côté, comme s'il attendait de moi une approbation. Il me semblait que je l'avais toujours connu, et tout au fond de moi-même, je l'appelais mon grand frère. Il demandait souvent à Pauline si elle était contente de moi. Pauline répondait qu'il n'y avait pas besoin de me montrer deux fois la même chose. Elle me reprochait seulement de manquer d'ordre dans mon travail. Elle disait que je commençais aussi bien par la fin que par le commencement. Je n'avais pas oublié sans mari aimé, mais je ne m'ennuyais plus, et je me trouvais heureuse à la ferme. Au mois de juin qui suivit, des hommes vinrent, comme chaque année, pour tondre les moutons. Ils apportaient une mauvaise nouvelle. Dans tout le pays, les moutons tombaient malades aussitôt qu'ils étaient tondus, et il en mourait une grande quantité. Maître Sylvain prit ses précautions, mais malgré tout ce qu'il put faire, il y en eut bientôt une centaine de malades. Le vétérinaire affirmait qu'en les baignant dans la rivière, on en sauverait beaucoup. Alors le fermier se mit dans l'eau jusqu'à la ceinture, et un à un, il plongea les moutons jusqu'au dernier. Il était rouge, et la sueur qui coulait de son front tombait en grosses gouttes dans la rivière. Le soir, il se coucha avec la fièvre. Et le troisième jour, il mourut d'une fluxion de poitrine. Pauline ne pouvait croire à son malheur, et Eugène rôdait dans les étables avec des yeux épouvantés. Peu après la mort du fermier, le propriétaire de la ferme vint nous rendre visite. C'était un petit homme sec qui ne tenait pas en place, et quand il s'arrêtait un moment, il me semblait toujours qu'il dansait sur un pied. Il avait le visage complètement rasé, et il s'appelait Monsieur Tirande. Il entra dans la salle où je me tenais avec Pauline, il en fit le tour en arrondissant le dos, puis il dit en me montrant l'enfant « Emportez-le, j'ai besoin de causer avec la fermière. » Je sortis dans la cour, et tout en ayant l'air de promener l'enfant, je passai devant la fenêtre ouverte. Pauline n'avait pas bougé de sa chaise. Elle tenait les mains jointes sur ses genoux, et elle penchait la tête en avant, comme si elle cherchait à comprendre une chose très difficile. M. Tirande parlait sans la regarder. Il marchait de la cheminée à la porte, et le bruit de ses talons sur les carreaux se confondait avec sa voix cassée. Il sortit aussi vite qu'il était entré. Et dans mon inquiétude, je vins demander à Pauline ce qu'il lui avait dit. Elle prit son enfant dans ses bras, et tout en pleurant, elle me dit que M. Tirande voulait la renvoyer de la ferme pour y mettre son fils qui venait de se marier. À la fin de la semaine, M. Tirande revint avec son fils et sa bru. Ils commencèrent par visiter les étables, et lorsqu'ils entrèrent dans la maison, M. Tirande s'arrêta une minute devant moi pour me dire que sa bru avait décidé de me prendre à son service. Pauline entendit. Elle fit vivement un pas vers moi. Mais à ce moment, Eugène entrait avec des papiers à la main, et tout le monde s'assit autour de la table. Pendant qu'ils étaient tous occupés à lire et à signer des papiers, je regardais la bru de M. Tirande. C'était une grande femme brune qui avait de gros yeux et un air ennuyé. Elle sortit de la ferme avec son mari sans avoir une seule fois regardé de mon côté. Quand leur voiture eut disparu au bout de l'allée des châtaigniers, Pauline raconta à Eugène ce que m'avait dit M. Tirande. Eugène, qui allait sortir, se retourna brusquement vers moi. Il paraissait indigné, et sa voix était toute changée quand il dit que ces gens-là disposaient de moi comme d'un objet leur appartenant. Et pendant que Pauline s'apitoyait sur mon sort, il m'apprit que c'était déjà. M. Tirande avait forcé Maître Sylvain à me prendre à la ferme. Il rappela à Pauline combien le fermier avait eu pitié de moi en me voyant si chétive, et il m'assura qu'il avait bien du regret de ne pouvoir m'emmener dans leur nouvelle ferme. Nous étions tous les trois debout dans la grande salle. Je sentais sur ma tête le regard désolé de Pauline, et la voix d'Eugène me faisait penser à un chant plein de douceur. Pauline devait quitter la ferme à la fin de l'été. Chaque jour, je travaillais à mettre le linge en ordre. Je n'aurais pas voulu qu'elle emportât une seule pièce de linge déchirée. Je m'appliquais à faire les fines reprises que m'avait appris bonne Justine, et je pliais chaque chose avec soin. Le soir, je retrouvais Eugène sur le banc de la porte. Le clair de lune faisait briller les toits de la bergerie, et le fumier était entouré d'une vapeur blanche qui ressemblait à un voile de tulle. Aucun bruit ne sortait des étables. On n'entendait que le grincement du berceau que Pauline balançait pour endormir son enfant. Aussitôt que tous les grains furent rentrés, Eugène commença le déménagement. Le vacher emmena ses vaches, et la vieille Bibiche s'en alla dans la voiture qui emportait toutes les volailles de la basse-cour. Il ne resta bientôt plus à la ferme que les deux bœufs blancs qu'Eugène ne voulait confier à personne. Il les attacha à la carriole qui devait emporter Pauline et son enfant. Le petit garçon s'était endormi dans une corbeille pleine de paille, et Eugène le déposa dans la voiture sans le réveiller. Pauline le recouvrit avec son châle, et après avoir fait un grand signe de croix vers la maison, elle ramassa les guides, et la voiture s'engagea sous les châtaigniers. Je voulus les accompagner jusqu'à la route, je suivais derrière les bœufs entre Eugène et Martine. Nous marchions en silence. De temps en temps, Eugène encourageait ses bœufs en les touchant de la main. Nous étions déjà très loin sur la route lorsque Pauline s'aperçut que la nuit venait. Elle arrêta son cheval, et lorsque je fus monté sur le marchepied de la voiture pour l'embrasser, elle me dit tristement « Adieu, ma fille, conduis-toi bien. » Elle ajouta à la voix pleine de larmes « Si mon pauvre Sylvain eût vécu, il ne t'aurait jamais abandonné. » Martine m'embrassa en souriant. « On se reverra peut-être, me dit-elle. » Eugène ôta son chapeau, il me donna une longue poignée de main en disant lentement « Adieu, mon petit compagnon, je me souviendrai toujours de toi. » Quand j'eus marché un peu, je me retournai pour les voir encore. Et malgré la nuit qui augmentait, je vis qu'Eugène et Martine marchaient en se tenant par la main.